Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on va parler, inshallah, de ce qui concerne Qada Ramadan, c'est-à-dire le fait de rattraper les jours manqués de Ramadan. Et Cheikh al-Islam a dit dans son commentaire d'Al-Umda que le somme est de 5 sortes. Le siyam, il est de 5 sortes. Le somme rendu obligatoire par la législation. Et ce qui est obligatoire, c'est le somme du mois de Ramadan, ainsi que son rattrapage. Donc ça c'est 2. Le somme obligatoire dans les expiations, les kaffarat, donc ça c'est le 3e. Le 4e, le somme obligatoire par le vœu. C'est-à-dire quand la personne a fait un vœu et qu'elle sera obligatoire un somme sur elle-même. C'est quand on dit « Lillah alayya somme kada wa kada » pour Allah, je me rends obligatoire le somme de tel ou tel jour. Et le fait d'accomplir ce vœu, c'est obligatoire. Et enfin, 5e, le somme surérogatoire. Donc c'est 5 sortes de sommes en islam. Donc les gens concernés par le rattrapage, premièrement le malade qui a rompu le somme pendant un ou plusieurs jours. Et ce qui est voulu par malade, comme on l'avait dit, c'est celui qui a des difficultés à jeûner. Allah lui a permis de rompre et de rattraper plus tard. Donc ça c'est dans la parole d'Allah Azzawajal. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui parmi vous qui est malade ou en voyage, jeûnera un nombre égal d'autres jours. Également, il y a l'unanimité de la communauté sur le fait que le malade peut rompre et qu'après il rattrape. Allah Azzawajal lui a permis de rompre et de rattraper plus tard. Donc c'est également le malade dont on espère la guérison. Donc là, celui que je cite, c'est le malade dont on espère la guérison. Pas celui qui a une maladie et qui ne lui permet pas de jeûner et dont on n'espère pas qu'il puisse guérir. Quant à celui dont on n'espère pas la guérison, il a le jugement du vieillard incapable de jeûner. Donc ça, c'est à l'unanimité que le jugement, c'est le même. C'est le même que le vieillard incapable de jeûner. Et son jugement est selon la vie juste. Après, ils ont divergé, donc. Quel est le jugement du vieillard? Selon la vie juste, c'est qu'il nourrit un pauvre par jour. Et c'est la parole de 4 parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Anas, Ibn Abbas, Qais ibn Sa'ib et Abu Huraira. Et c'est rapporté authentiquement d'eux. Et c'est l'avis de la majorité. Et également, ces 4 compagnons, on ne leur connaît pas d'opposants parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, également, est également rattaché au malade celui qui craint de mourir de soif ou de faim. Donc, il est en train de jeûner et il a peur de mourir à cause de la faim ou de la soif. Il boit ou il mange et il rattrapera ce jour. Il lui est obligatoire de rattraper. Et il lui est même obligatoire de rompre. Car Allah Azza wa Jalla dit, « Wala taqtulu anfusakum » et ne vous tuez pas vous-même. Ensuite, deuxièmement, le voyageur. Donc, comme le verset qu'on a cité précédemment, à l'unanimité qui lui est permis de rompre. Et lorsqu'on dit qu'il y a unanimité sur le fait qu'il lui est permis de rompre, c'est-à-dire que certains l'ont vu permis et d'autres obligatoires. Donc après, ils ont divergé. Est-ce que c'est obligatoire pour lui de rompre, le voyageur, ou c'est juste permis? Et après, ils ont divergé également. Qu'est-ce qui est le meilleur? Est-ce que c'est qu'il jeûne ou est-ce qu'il rompt? Et l'avis juste, c'est qu'il lui est meilleur de jeûner s'il a la capacité. S'il a la capacité, il est meilleur pour lui de jeûner. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans certains de ses voyages, que seul lui et un des compagnons jeûnaient. Et la preuve de ça, du voyageur, qui lui est permis de rompre, dans les deux sahihs d'après Anas, radiallahu anhu, qui a dit, nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en avait parmi nous qui jeûnaient et d'autres non. Et personne ne faisait de reproche à l'autre. Et ça également, c'est une réfutation à ceux qui ont vu qu'il était obligatoire de rompre. Car là, certains jeûnaient, et ceux qui ne jeûnaient pas, ceux qui avaient rompu, ne faisaient pas de reproche à ceux qui jeûnaient, et vice-versa. Et également dans les deux sahihs, d'après Abu Darda, radiyallahu anhu, qui a dit, nous sortîmes avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, dans une chaleur torride. Et aucun d'entre nous ne jeûnait, à part le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu. Donc il a le droit de rompre et devra rattraper. S'il rompt. Troisième groupe de personnes concernées par le rattrapage de Ramadan, la femme enceinte et celle qui allait. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que la femme enceinte lorsqu'elle craint pour son fœtus et la femme qui allait lorsqu'elle craint pour son bébé peuvent rompre, mais ils ont divergé. Lorsqu'elle rompt, qu'est-ce qui leur est obligatoire? Et on va voir que c'est entre le fait de rattraper ou le fait de nourrir un pauvre par jour manqué. Le premier avis est qu'elles doivent rattraper et ne doivent pas nourrir de pauvres. Et c'est l'avis d'Al-Hassan, Atta, Al-Dahak, Al-Nakhai, Al-Zuhri, Rabi'a, Al-Awza'i, Al-Thawri, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibn al-Mundir. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Mughbil, Cheikh Ibn Baz. Rahimahumullah. Il y a leur preuve et le hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah ta'ala wada'an il-musafir il-sawma wa shatr al-salah wa anil hamili aw il-murdi' al-sawma aw al-siyam. Donc Allah Azzawajal a levé l'obligation pour le voyageur du jeûne, du saum et de la moitié de la salah. Car le voyageur, les salats qu'on appelle ruba'iyya, qu'ont 4 raka'at, comme le dhuhr, le asr et le isha, il est pris en 2 raka'at. Et le maghrib de 3 raka'at, il l'a pris toujours 3. Et il a levé pour la femme enceinte et celle qui allait le saum. Il a levé l'obligation du saum. Donc elle peut rompre. Ça, c'est la preuve qu'elle peut rompre. Et qu'elle doit rattraper. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et sa chaîne est bonne. Et il est dans Sahih al-Musnad de Cheikh Mughbil. Rahimahullah. Ils ont dit que le hadith ne contient pas l'ordre de compenser, c'est-à-dire la fidya. Et c'est une rupture qui a été permise avec une excuse. Il n'est donc pas obligatoire de compenser, tout comme le malade lorsqu'il rompt. Alors le malade, lorsqu'il rompt, il doit rattraper. Il n'a pas à nourrir un pauvre par jour manqué lorsque c'est une maladie dont on espère la guérison. Et également, dans le hadith, a été cité le voyageur. Et le voyageur, de la même façon, lorsqu'il rompt, il rattrape. Et il ne nourrit pas un pauvre par jour. Donc comme dans le même hadith, a été cité le voyageur et la femme enceinte et celle qui allait, ceci prouve qu'elles ont affaire, la femme enceinte et la femme qui allait, comme le voyageur qui est de rattraper le jour. Deuxième avis, si elles craignent seulement pour elles-mêmes ou pour elles-mêmes et leurs enfants, elles rompent et rattrapent et n'ont pas de compensation à donner. Et c'est l'avis des Shafi'iyya et des Hanabila. Ils appuient leur avis par le fait qu'elles sont dans le cas du malade qui craint pour lui-même. C'est-à-dire que dans cet avis-là, ils ont conditionné le fait qu'elles craignent pour elles-mêmes. Mais si elles craignent seulement pour leur enfant, mais pas pour elles-mêmes, alors elles rompent et doivent à la fois rattraper et nourrir un pauvre pour chaque jour. Donc ils ont dit, si elles craignent pour elles-mêmes, elles doivent rattraper le jour comme le malade. Mais si elles craignent pas pour elles-mêmes, mais seulement pour leur enfant, elles rompent et doivent à la fois rattraper et nourrir un pauvre. Car là, pour eux, ils voient qu'elle n'est plus comme le malade. Mais elle a peur pour autre qu'elle, alors que le malade, il a peur pour lui-même. Donc là, si elle craint seulement pour leur enfant, elle doit, la femme enceinte et celle qui allait, à la fois rattraper et nourrir un pauvre pour chaque jour. Et ceci est également l'avis des Hanabila et ce qui est connu du madhab des Shafi'iyya et c'est rapporté de Mujahid. Troisième avis, elles rompent et nourrissent. Elles doivent nourrir pour chaque jour manqué. Et c'est l'avis d'Al-Qasim ibn Muhammad, Saïd ibn Jubayr, Qatada, Ishaq. Et c'est ce qui apparaît de la parole de Saïd ibn al-Musayyab. Et c'est rapporté authentiquement d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar. Et leur preuve est l'arrestation d'Ibn Abbas et Ibn Mas'ud sur la ayat al-Baqarah. وَعَلَى الَّذِينَ يُتَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ. C'est-à-dire يُتَوَّقُونَهُ يُكَلَّفُونَ. C'est-à-dire, pour ceux qui peuvent difficilement, il y a la compensation de nourrir un pauvre. Et donc, ils disent, elle rentre dans la généralité. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, a critiqué cette récitation. Il a dit que celle qui est reconnue, c'est celle qui a été propagée. C'est-à-dire, yutiruna, et ceux qui le peuvent. Et ça, on avait vu que ça avait été abrogé. C'est-à-dire, au début de l'islam, la personne avait le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre. C'est-à-dire il pouvait jeûner, et s'il ne voulait pas jeûner, il nourrissait un pauvre par jour, alors qu'il avait la capacité de jeûner. Et ensuite, ça a été abrogé lorsque est descendue l'obligation de Ramadan. Allah Azza wa Jalla a dit « Faman shahida minkum shahra falyasum » Celui d'entre vous qui témoigne du mois, c'est-à-dire qui est présent en ce mois, alors qu'il jeûne. Quatrième avis, la femme enceinte est comme le malade. Elle rompt et rattrape et ne nourrit pas. Donc là, il y a une différenciation entre la femme enceinte et la femme qui allait. La femme enceinte, ils disent qu'elle est comme le malade, elle rompt et rattrape et ne nourrit pas. Quant à la femme qui allait, elle rompt et rattrape et nourrit. Elle fait les deux en même temps, elle rattrape et nourrit pour chaque jour un pauvre. Et c'est la parole de Malik et d'Al-Layth. Leur argument est que la femme qui allait est capable de faire allaiter son enfant. au contraire de la femme enceinte, car le fœtus lui est rattaché, donc sa peur envers lui est comme sa peur envers un de ses propres membres. Et différencier entre les deux dans le jugement contredit le hadith d'Anas al-Ka'bi, qu'on a vu précédemment, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la femme enceinte et la femme qui allait. Et le cinquième avis, elle ne rattrape pas ni ne nourrisse. C'est-à-dire, quand elle rompt, elle ne rattrape pas ce jour manqué et ne nourrisse pas un pauvre pour chaque jour. Et c'est l'avis de Ibn Hazm. Et l'avis juste, Wallahu a'lam, c'est le premier avis. C'est-à-dire que la femme enceinte et la femme qui allait doivent, lorsqu'elles rompent, rattraper ce jour et ne nourrissent pas. Donc ensuite, la femme qui a ses menstrues ou ses lochis, celle-là, elle rompt obligatoirement, comme on l'avait cité, et devra rattraper. Donc elle doit rattraper obligatoirement. Ensuite, le fou ne rattrape pas ce qu'il a manqué, comme on l'avait cité, lorsqu'il sort de sa folie, et c'est l'avis de la majorité. Et s'il reprend conscience durant la journée de Ramadan, il n'a pas à rattraper ce jour. Et enfin, une catégorie qu'on n'avait pas citée la première fois, c'est le combattant dans le sentier d'Allah. Ibn Qayyim rahimahullah a dit, s'ils rencontrent l'ennemi en étant résident, et qu'ils augmenteront leur force en rompant le saum, ont-ils le droit de rompre? Il y a deux paroles, et la plus juste des deux paroles, par rapport au dalil, et qu'ils ont le droit. Et c'est ce qu'a choisi Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Puis il cita le hadith d'Abu Sa'id dans Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons lorsqu'ils s'approchèrent de leur ennemi, et ils étaient en train de jeûner. Il leur dit, innakum qad danawtum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Vous vous êtes rapprochés de votre ennemi, et le fait de rompre est plus fort pour vous. Et Abu Sa'id a dit, c'était une permission. C'est-à-dire, cette parole, c'était une permission. Walfitr akwa lakum. Puis, ils s'arrêtèrent plus loin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innakum musbihu aduwikum walfitru akwa lakum fa aftiru. Vous serez, au matin, vous rencontrerez votre ennemi, et le fait de rompre est plus fort pour vous, alors rompez. Et là, ça a été une chose catégorique. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de rompre. Et donc, ce combattant, il rattrape les jours qu'il a manqués. Et également, on avait parlé de celui qui a mangé ou bu intentionnellement. Celui-là, il n'a pas d'excuse. Celui qui a mangé ou bu intentionnellement sans excuse, durant la journée de Ramadan, celui-là, il doit faire tawbah. Il doit se repentir et il n'a pas rattrapé. Et c'est l'avis parmi les compagnons d'Ibn Mas'ud et Abu Hurayra, radiyallahu anhuma. Ils ont dit, « La yuzi'uhu qada'uhu wa insa maddahr. » Il ne lui est pas permis de rattraper ce jour-là, même s'il jeûnait toute la vie. Et cet avis, c'est l'avis juste. Il n'aurait pas connu également d'opposants parmi les compagnons. Et la majorité voit qu'il doit rattraper ce jour où qu'il a rompu sans excuse intentionnellement en mangeant ou en buvant. Car il ne s'est pas acquitté de ce qui lui était obligatoire. Et ça, on répond avec le fait qu'Allah Azzawajal lui a rendu obligatoire le saum d'un jour précis, qui sont les jours du mois de Ramadan. Et il n'y a pas de preuve que d'autres jours peuvent prendre leur place. C'est-à-dire que s'il jeûne un autre jour, que c'est comme s'il avait jeûné ce jour-là qu'il a rompu intentionnellement. Et il est rapporté d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man aftara yawman min ghayri udhr lam yujzihu siyamud dahr » Celui qui rompt un jour sans aucune excuse, ça ne lui est pas valide de jeûner toute la vie. Et il est rapporté dans les 4 sunan, mais il est faible. Le hadith est faible. Sa chaîne comporte Abu al-Mutawwis qui est inconnu. Et malgré ça, c'est le premier avis qui est juste, qu'il ne rattrape pas et qu'il doit faire tawbah. Est-ce que celui qui a eu un rapport durant la journée de Ramadan, en jeûnant, doit rattraper ce jour en plus de l'expiation? Car l'expiation, pour celui qui a un rapport sans excuse, c'est-à-dire en état de jeûne, pendant la journée de Ramadan, c'est qu'il libère un esclave, et s'il ne le peut, qu'il jeûne 2 mois consécutifs, et s'il ne le peut, qu'il nourrisse 60 pauvres. Deuxième masala, est-ce qu'il est nécessaire de faire suivre, yani dans le rattrapage de Ramadan? C'est-à-dire, est-ce que il est obligatoire, si par exemple la personne a 10 jours à rattraper, est-ce qu'il doit faire ces 10 jours à la suite? Donc sur ce sujet, il y a deux paroles, deux avis. Le premier, c'est qu'il lui est nécessaire de faire suivre. Et Ibn al-Mundhir et d'autres l'ont rapporté d'après Aïcha et Ali, Le hasard de Aïcha est venu rapporté par Abdul Razak par une chaîne authentique. Et le hasard de Ali, la chaîne contient Al-Haris Al-Awar qui est un menteur. Et c'est également rapporté donc cet avis de Ibn Omar avec une chaîne authentique. Et ça, le fait qu'il est obligatoire de faire suivre, c'est la parole d'Ibn Hazm, rahimahullah, qui a pris comme argument la parole d'Allah Azzawajal, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Et pressez-vous à un pardon de votre Seigneur. Puis il a dit, et il lui est permis de séparer ses jours, d'après la parole d'Allah Azzawajal, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. C'est-à-dire, il jeûnera un nombre égal d'autres jours. Donc ce qui est important, c'est que ce soit le même nombre de jours. Et le deuxième avis, qu'il ne lui est pas obligatoire de faire suivre ses jours. Et c'est la parole de la majorité. Et parmi les compagnons, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et c'est venu, rapporté par Abdul Razak, avec une chaîne authentique. Et parmi les tabi'in, Saïd ibn Jubayr, Mujahid, Al-Hassan. Et ils ont pris comme argument la parole d'Allah, Azzawajal, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Il gênera un nombre d'autres jours égal. Et c'est cette parole qui est la vie juste. Et c'est ce qu'a choisi l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Et également, c'est la vie de Cheikh Mourbil et de Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayhima. Et al-Hafid ibn Hajar, rahmatullah, a dit, ceux qui voient permis de séparer ces jours sont tous d'accord quant au fait que le fait de faire suivre est meilleur et est préférable. Donc ça, c'est une parole importante, c'est qu'il y a un consensus sur le fait qu'il est préférable de faire suivre. Et que la vie juste, ce n'est pas obligatoire. Est-ce que la personne doit rattraper le plus vite possible ou est-ce qu'elle a le droit de retarder? Donc certains de Ahlul Dhahir, Al-Dhahiriya, comme Ibn Hazm et Daoud Al-Dhahiri, sont d'avis qu'il est obligatoire pour la personne de rattraper à partir du deuxième jour de Shawwal, c'est-à-dire après l'Aïd, après le jour de l'Aïd. Et ils ont pris comme preuve la parole d'Allah Azzawajal, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Et pressez-vous à un pardon de votre Seigneur. Et la majorité des savants sont d'avis qu'il est permis de retarder, à la condition de rattraper avant le Ramadan de l'année d'après. Et ils ont pris comme argument le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, où elle a dit, كَانَا يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانَ. J'avais sur moi le somme de Ramadan, c'est-à-dire des jours à rattraper, et je ne pouvais pas les rattraper jusqu'à ce que vienne Sha'ban. Et Sha'ban, c'est le mois avant Ramadan. Donc le dernier mois avant le Ramadan de l'année d'après. Et le athar de Aïcha est muttafaqun alayh. Et ils ont pris comme argument la parole d'Allah Azzawajal, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Il gênera le même nombre d'autres jours. C'est-à-dire, c'est pas précisé que ça doit être le plus vite possible. Quant au fait que le rattrapage doit être fait avant le Ramadan de l'année d'après, Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah a dit, on prend de son empressement, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, à rattraper dans Sha'ban, lorsqu'elle pouvait pas durant l'année, on prend de ça le fait qu'il n'est pas permis de retarder le rattrapage des jours de Ramadan manqués jusqu'à ce que rentre le Ramadan de l'année d'après. Et c'est également la parole d'Ibn Qudama. Et il a dit également Ibn Qudama, car le saum, c'est une ibada, c'est une adoration qui se répète. Donc il n'est pas permis de retarder la première adoration jusqu'à la deuxième, comme les cinq salats obligatoires. De la même façon, le dhuhr n'est pas permis de le retarder jusqu'à ce que rentre le asr. Donc de la même façon, le mois de Ramadan, le rattrapage n'est pas permis de le retarder jusqu'à ce que rentre l'autre Ramadan. Si jamais il retarde le rattrapage sans excuse valable jusqu'à ce que rentre le Ramadan de l'année d'après, qu'est-ce qu'il doit faire? Sur le sujet, il y a deux avis. Le premier, c'est qu'il doit rattraper après ce mois de Ramadan-là et également nourrir pour chaque jour un pauvre. Donc il doit rattraper et nourrir pour chaque jour un pauvre. Et c'est l'avis de la majorité. Et parmi les compagnons, c'est l'avis d'Abu Huraira et d'Ibn Abbas. C'est rapporté par Al-Bayhaqi et Ad-Dara Qutni avec une chaîne authentique. Et c'est également rapporté de Omar, mais la chaîne est interrompue. Et At-Tahawi a rapporté d'après Yahya ibn Aktham qu'il a dit: j'ai trouvé cet avis d'après six compagnons et je ne leur connais pas d'opposants. Le deuxième avis, c'est qu'il doit rattraper et qu'il n'a pas à nourrir. Il doit juste rattraper. Et c'est l'avis de Al-Hassan, Al-Nakhai, Ashab al-Ra'i. Ils ont pris comme argument la parole d'Allah Azzawajal: Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Donc je donnerai le même nombre d'autres jours. Et c'est ce qu'a choisi Al-Bukhari, rahimahullah. Et il a dit: Allah Azzawajal n'a pas mentionné le fait de nourrir. Il a seulement dit: Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Je donnerai le même nombre d'autres jours. C'est-à-dire comment on peut rendre obligatoire de nourrir pour chaque jour un pauvre alors que c'est pas venu dans un texte du Coran ou de la Sunna. Et il y a également une troisième parole qui est que la personne doit nourrir pour chaque jour un pauvre et qu'il n'a pas à rattraper. Et c'est l'avis de Saïd ibn Jubayr, Qatada, et ça s'oppose aux preuves. Ça s'oppose aux preuves, c'est l'avis le plus éloigné. Parce que comment on peut dire que il n'a plus à rattraper? Alors qu'à la base, le rattrapage, ça lui est obligatoire. Et l'avis juste, Inch'Allah, c'est le deuxième avis qu'il doit rattraper et qu'il n'a pas à nourrir de pauvres. Et c'est ce qu'a choisi Ibn Hazm et Ash-Shawkani, Al-Wadi'i et Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhim ajma'in. Wallahu alam. Tayyib, maintenant, s'il retarde le rattrapage de Ramadan avec une excuse, jusqu'à ce que rentre le Ramadan de l'année d'après. Là aussi, il y a deux avis. Le premier, c'est qu'il doit juste rattraper et qu'il n'a pas à nourrir les pauvres. Ibn al-Mundhir, rahimahullah, l'a cité d'après Taous, Al-Hassan al-Nakhai, Hammad ibn Abi Sulayman, Al-Awza'i, Malik, Ahmed, Ishaq, et c'est le madhhab de Shafi'i et d'Abu Hanifa, Daoud et d'Al-Muzani. Le deuxième avis, Ibn al-Mundhir, l'a cité de Ibn Abbas et Ibn Omar. Sont tous les deux rapportés par une chaîne authentique. Et de Saïd ibn Jubayr, Qatada, ceux-là ont dit: il jeûne Ramadan dans lequel il est arrivé, et pour chaque jour manqué, il nourrit, et il n'a pas à rattraper. L'avis juste, c'est la première avis, par rapport à la parole d'Allah Azzawajal, Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Il devra rattraper le même nombre de jours. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas à rattraper, il a juste à nourrir des pauvres. Tayyib, est-ce qu'il est permis pour celui qui a du rattrapage à faire de faire du saum tatawwa, c'est-à-dire surérogatoire? Est-ce qu'il peut faire avant d'avoir rattrapé ses jours? Est-ce qu'il peut jeûner surérogatoirement? Il y a trois avis sur le sujet. Le premier, c'est qu'il lui est permis tant que il a le temps. C'est-à-dire tant qu'il a le temps de rattraper avant que rentre l'autre Ramadan, comme on a vu précédemment. Et ça, c'est la parole de Abu Hanifa et une riwaya d'après Ahmed. C'est-à-dire quand l'imam Ahmed, rahimahullah, il a plusieurs avis, ils disent riwaya an Ahmed. C'est une transmission d'après Ahmed, c'est-à-dire c'est un de ses avis. Un des avis qui a été cité de lui dans le madhhab. Et Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, a cité dans Al-Fath que c'est l'avis de la majorité. Ibn Rajab, il a un commentaire de Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fath al-Bari, comme Ibn Hajar. Et malheureusement, Ibn Rajab, il n'a pas fini le sien, et c'est un charh tayyib jiddan, il est très bien. Il est même peut-être meilleur que celui de Ibn Hajar. Mais malheureusement, il ne l'a pas fini. Donc il n'y a que le début. Deuxième avis, qui lui est permis de faire du jeûne surérogatoire avec le fait que c'est détestable. Sauf pour ce qui est recommandé de jeûner, alors là, c'est permis sans que ce soit détestable. Et ça, c'est la parole des Malikiyas. Donc par exemple, ce qui est recommandé, comme par exemple les 6 jours de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal ka siyam id-dahr. Celui qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute la vie, d'après Abu Ayyoub al-Ansari, rapporté par Muslim. Donc ça, par exemple, pour les Malikiyas, ils voient que ça, c'est pas détestable, c'est permis sans que ce soit détestable. Mais si c'est juste un jeûne, il y a un surérogatoire qu'il fait, sans que ce soit précisé son caractère recommandé, alors ils voient que c'est détestable. C'est permis en étant détestable. Et le troisième avis, c'est que si il a rompu pendant Ramadan pour une excuse, alors ça lui est permis. Et sinon, ça lui est pas permis. Et ça, c'est la parole des Shafi'iyya. Car eux, ils voient que le rattrapage, lorsque le jour manqué a été fait pour une excuse, ils voient que la personne peut rattraper ce jour en ayant le temps. Et si c'est sans excuse, alors le plus authentique chez eux, c'est-à-dire dans le madhhab Shafi'i, c'est que ça doit être fait le plus rapidement possible. Et également, comme on a vu précédemment, que eux ils voient, comme le Jumhur, comme la majorité, que celui qui rompt une journée de Ramadan sans excuse, par exemple qui mange ou qui boit intentionnellement sans excuse, en étant jeûneur, il voit qu'il doit rattraper ce jour. Et on a vu que ce qui était plus juste sur le sujet, c'était que la personne, elle n'a pas à rattraper. Il a juste à se repentir à Allah Azzawajal et il rattrape pas. Car ça lui est pas permis, ça lui est pas compté de rattraper. Et on n'a aucune preuve sur le fait que celui qui rompt intentionnellement, sans excuse, qu'il peut rattraper et que ça lui est compté. Donc eux, par rapport à ça, ils ont différencié que si il a rompu avec une excuse, alors il lui est permis de faire du jeûne surérogatoire avant de rattraper les jours de Ramadan. Et si c'est sans excuse, alors ça lui est pas permis, il doit le faire, il doit rattraper ce jour-là le plus rapidement possible. Et ce qui est juste, c'est qu'il n'a pas rattrapé ce jour-là, si c'est sans excuse, et il doit se repentir. Donc sur le sujet qu'on voit, le plus authentique, c'est la première parole. Il lui est permis de faire du jeûne surérogatoire avant ses jours de rattrapage, tant qu'il a le temps. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah.